Vous êtes toujours à l'antenne de CKRL 89.1 et vous écoutez Futur Simple. Et on va clore cette saison de Futur Simple avec un lien entre la politique et la science. Donc les auditeurs qui suivent l'actualité ont probablement entendu parler des récentes coupures budgétaires du gouvernement fédéral. Le secteur scientifique et environnemental ne fait malheureusement pas exception, bien au contraire. Et notre chroniqueuse Christiane Dupont va nous exposer quelques coupures et fermetures pour le moins alarmantes. Bonjour Christiane. Bonjour Valérie. Donc, peut-être que tu peux faire allusion à la loi Omnibus. Oui, dans l'actualité, on parle beaucoup des grèves étudiantes, mais il y a aussi, en même temps, il y a d'autres choses qui se passent. Oui, ici, au niveau fédéral, il y a des choses relativement inquiétantes, je crois, pour la communauté scientifique en général. Donc, la loi Omnibus, sans la, j'avoue, je n'ai pas lu tout. C'est un tout en un, en fait. Il y a un problème, c'est que, c'est ça, le Parlement s'apprête à adopter à toute vapeur un projet de loi qui va affaiblir la plupart des mesures environnementales du pays et qui va réduire aussi les citoyens qui souhaiteraient se porter à la défense de ces mesures. Donc, au lieu de suivre le processus habituel pour l'adoption des changements de grande ampleur, comme l'idée d'un Parlement est, hein, c'est parlementé, ben, qui permet des débats approfondis, ben, on enfouit tous ces changements à l'intérieur d'une seule loi budgétaire. Donc, ça passe un peu incognito. C'est ça. Ben, écoute, ça ne nous arrange pas. On va tout mettre ça en une seule loi. Ça paraît pas, puis là, c'est adopté, puis tant pis. Donc, la loi canadienne sur l'évaluation environnementale, qui est très importante pour n'importe quel projet environnemental d'une certaine envergure dans certains secteurs de l'environnement, est en voie d'être remplacée par une toute nouvelle loi. Donc, en vertu de celle-ci, Ottawa interviendra beaucoup moins pour protéger la population contre les projets nuisibles, tout en se gardant le droit d'entériner de gros projets avancés par de puissants intérêts pétroliers, par exemple. En outre, les nouveaux règlements, qui vont être plus édulcorés que ceux qu'on a en ce moment, vont être appliqués à des processus d'examen déjà en cours. Ça, c'est spécial, parce que des projets déjà en cours qui étaient très ralentis, comme il y a un certain projet d'un pipeline pétrolier dans l'Ouest, ça faisait des années, puis ça a été compliqué. Ils ont changé de trajectoire du pipeline, donc il a fallu qu'ils refassent toutes les évaluations. Mm-hmm. Et puis le gouvernement a trouvé ça tannant. Donc là, ça va pouvoir être rétro-utilisé à ce projet-là. Ouais. Donc, l'idée, c'est un peu de court-circuiter l'évaluation normale. Ouais. Aussi, l'Office national de l'énergie ne sera plus en mesure de s'opposer au projet d'oléoduc allant à l'encontre de l'intérêt public. Les politiciens et membres du cabinet pourront écarter les décisions de l'organisme de réglementation et des experts advenant que les intérêts pétroliers s'y opposent. C'est effarant. Oui. Si jamais ils sont encore exigés, les permis autorisant la destruction d'habitat pour les poissons et les espèces menacées seront désormais livrés derrière des portes closes à l'insu du public. Mmh, ouais. Donc, c'est très, très épeurant. Ouais. Et donc, il y a des stations de recherche aussi qui vont fermer. C'est, quand on suit l'actualité, c'est pas tout en un morceau, mais quand on suit, on voit, il y a des petites choses. Toutes les pièces sont sorties. Oui, ça fait très inquiétant. Il y a la station Eureka, qui est la station la plus au nord du Canada. Il y a, je crois, la station scientifique la plus nordique du monde. Mmh. Eureka, c'est vraiment, vraiment près du pôle Nord, qui est une station fédérale qui s'appelle PEARL, pour un laboratoire de recherche atmosphérique en environnement polaire. Et puis, les fonds qui étaient promis du gouvernement Harper ne se sont jamais matérialisés. Mmh. Alors, ce laboratoire, pourtant, ne coûtait que 1,5 million de dollars par année, ce qui n'est pas énorme, mais c'est pas comme ça qu'on renfloue un pays. C'est pas en coûtant là que, finalement, notre budget est équilibré. Donc, c'est plutôt idéologique. C'est ce que beaucoup de chercheurs soutiennent. Et puis, centre de recherche-là étudie beaucoup, il y a des universités qui l'utilisent, des équipes internationales. Internationales aussi, donc ça met en péril les recherches. Exactement, il y a des chercheurs allemands, par exemple, ils prennent les données de cette station-là pour publier quoi que ce soit. Et de problèmes, ça recueille des données scientifiques dans le cadre de programmes et de réseaux nationaux et internationaux sur la qualité de l'air, sur la migration des contaminants atmosphériques vers les régions polaires, sur l'étude de l'ozone. Et sur les changements climatiques, c'est une question d'ailleurs qui déclenche de l'urticaire chez certains politiciens. Mmh. On voit maintenant, donc on peut croire aussi qu'il y aurait peut-être une idéologie là-dedans. Ouais. Et puis, malheureusement, le gouvernement se dit « on va refaire une nouvelle station 1300 km plus au sud ». Ils vont refaire ça, je ne sais pas pourquoi, sauf qu'en 2012 et 2017, la date projetée pour cette nouvelle station, ça fait 5 ans. Sans donner alors au niveau scientifique, c'est pas très valable d'avoir des trous comme ça. Donc, c'est très... très préoccupant. Et plus près de nous, il y a aussi d'autres centres qui ferment en Ontario. Oui. Et plus près de nous, mais disons, on est dans le Pôle Nord. de l'Ontario? Oui, c'est ça. C'est le Centre de l'Axe expérimentaux canadien. Ça fait depuis 1968 que ce regroupement de recherche existe. C'est un regroupement de 58 lacs isolés. C'est quand même très grand. C'est un laboratoire à très grande échelle pour étudier la limnologie, les écosystèmes aquatiques. Ils ne sont pas perturbés par rien. C'est comme un beau terrain vierge pour voir... C'est un gros laboratoire. Plusieurs chercheurs mondiaux ont été d'ailleurs très choqués de la fermeture de ce centre-là qui étudie les polluants aquatiques depuis, depuis des années. D'ailleurs, dans l'imminente revue Nature, ça a été publié récemment, il y a eu une lettre de scientifiques qui se sont dit « ça n'a pas de bon sens ». Donc, la communauté scientifique mondiale est très choquée de ça. Donc, cet endroit-là est unique au monde par les études à grande échelle pour les données à long terme. C'est là qu'on a compris les plus acides en premier, l'effet des hormones sur les écosystèmes, le mercure, les gaz à effet de serre. Donc, c'est vraiment important. C'est ça, parce que comme ces systèmes-là qui ne sont pas touchés par la proximité immédiate, parce qu'il n'y a pas de développement industriel à proximité immédiate, si on constate de la pollution, des polluants ou des problèmes, c'est que c'est partout. C'est partout, et puis ça permet de comprendre l'effet d'un polluant plus sans avoir un bruit de fond de toutes sortes de problèmes. Ça, et puis, au niveau québécois, il y a l'Institut Maurice Lamontagne, qui est à Rimouski, à Mont-Joli, dans la région de Rimouski, qui est un laboratoire fédéral très connu au niveau des pêches maritimes, de l'écotoxicologie, les mammifères marins. Et puis, très récemment, il y a des coupures en écotoxicologie, donc l'étude des contaminants. Il y avait des spécialistes beaucoup sur les belugas, l'effet des produits pétroliers et des contaminants sur les écosystèmes et les mammifères marins. Et ça a été coupé. Alors, c'est un peu bizarre. Sur 11, 8 sur 11. 8 sur 11, c'est très élevé. Et puis, donc, il n'y a plus vraiment d'écotoxicologie qui se fait pour les produits pétroliers. Il n'y a plus de pollution. Ben voilà, c'est ça. Alors, il y a des chercheurs qui disent ben ça cible les voies discordantes sur le pétrole. Si on ne le sait pas, ben c'est pas un problème. On ne sait pas. Il n'y a pas les données qu'on peut mettre dans les rapports pour que ça soit compromettant pour eux. Donc, on ne peut pas crier au complot. C'est pas ça que je veux dire, mais je crois que c'est important de... Côté environnemental, il y a quelque chose qui se passe et c'est dommage. Et puis, les gens vont peut-être pas aller marcher dans les rues comme ça. C'est pas quelque chose d'aussi vendeur, mais c'est important d'être au courant. Comme ça, dit, c'est éparpillé. C'est pas un gros morceau pour l'Eureka. C'était il y a quelque temps pour les postes. Il y a des choses sur Internet, si vous voulez fouiller. Des fois, il y a des pétitions, il y a des trucs, mais au moins se tenir au courant parce que c'est très alarmant. Puis, c'est ça, et les gens vont pas aller dans la rue pour ça, mais je pense que c'est vraiment important de montrer qu'on est en désaccord. Merci beaucoup, Christine, pour ce regard politique sur la science qui donne presque envie de dire que si les politiciens ne font pas de science, en tout cas, ils ne s'empêchent pas de la défaire. Non, c'est ça, ils ne sont pas gênés. Donc, merci beaucoup, Christiane.